Mi affano. Joy, toujours là pour toi. Maman, ton fils est là, je grandis près de toi. Une vie pleine de rêves, je rêve si je suis. C'est sûr, je vis le plus du DJ qu'en voiture, merci à l'air. Force à toi, maman, fringa. Easy, je suis très fier de toi. Faites les rages, je les raca. Si Gucci, je veux du pepo. Oh, ma mère, je suis le billet pour t'habiller. Où sont les mecs qui font les potes? Où sont le petit de quartier? Où sont le petit de quartier? Petit du quartier. Où sont le petit de quartier? Où sont le petit de quartier? Petit du quartier. Où sont le petit de quartier? Où sont le petit de quartier? Petit du quartier. Où sont le petit de quartier? Où sont le petit de quartier? Allez, calme, Jumboy, Taga, you know this to my nigga. J'ai rappé ma vie, j'ai compté mes vies, je pense mon avenir. Je pense mon avenir. Doya Kina Bango, mais Nakati Mote Malikundu. Mote Malikundu. Bosu et Koti Saboka Wani, Toko Makobu de Bachada. Chacun en son tour, on est douce les passages. Et l'heure c'est pour moi, c'est de faire un peu mieux. Tu dois mon chevillon, rien ça va barrer. Je vois les loups qui sont dans mon tika. Faire du bagage, je trouve ça romain. Tu fais mes brosses avec mes cheveux bien calibrés. Je suis dopé comme un végétal. Je manque l'histoire comme le Mumba. Qui s'en fout de savoir moi mon ego. Il veut savoir que j'ai fait ma Nero. Le savoir il t'emmène très lourd. Et mère qui part beaucoup, je l'appelle un vrai Tchakou. Comme ma mère pousse à l'Asie, danse la vie de ma mère. La vie de ma mère. Anabouga, yo bitch, you got it. Où sont le petit quartier? Où sont le petit quartier? Gagne mon sein. Dans mon sémanier, merci à la maman. Maman, t'aimes à la fin. Lorsqu'ils marchent, sont partis de 1 à 0. J'ai pas encore fini mon hétéro. Je kiffe trop les chansons, finis mon témoin. Moi, j'suis plus limite, j'suis un héros. Grâce à maman, j'suis pésolé. Maman, j'suis désolé. Pour tous les erreurs que j'ai commises durant ces années, je suis désolé. Maman, l'homme a qui n'a rien. Molo, toko koma. Bon, me pèse à kabi, palé. Soukana, moi, c'est ma calé. Maman, ton amour, monsieur, filé, j'en demande, s'il te plaît, prie pour moi. Longue vie à toi, femme africaine, remplis les beautés, remplis les charmes. Bon, me pèse à kabi, palé. Soukana, moi, c'est ma calé. Maman, l'homme a qui n'a rien. Bien, bon, dealer. Où sont le petit quartier? Où sont le petit quartier? Petit du quartier. Où sont le petit quartier? Où sont le petit quartier? Petit du quartier. Où sont le petit quartier? Où sont le petit quartier? Petit du quartier. Où sont le petit quartier? Où sont le petit quartier? Allez. Dans mon séma, boss. Félix Tshitengen à Paris, boss. Clémence Baba Nani à Paris, boss. Willy Shongo. Dans Londres, boss, Joe Mutombo, et Wisfest, maison business trésor, ingénieur et mission gars, boss, Sapiens boy, Sapiens love, Sapiens boy, Sapiens love, boss, yeah man, force à maman bébé, force à maman Camoigna, force à toi les fans, boss, Vale. Boss!